On continue l'ambiance des bars. C'est quand tout le monde part. Hein. Sur un rôle de gare, parmi la foule, seul avec votre mal-être. On continue. On prend la pierre, hein. Attention, quand tout le monde part.